peine un père, tu me jettes à l'eau. J'évite les mecs malhonnêtes, j'arrive plus à écrire, je me force à rire, mais ça c'est pas trop de ma faute, mec. J'évite le terre-terre, le commissaire en monte en l'air. Faut que je perds, je serre, j'ai les nerfs, je vais leur montrer aux adversaires. Ça fait les mecs qui cabrent de rue après, j'entends que ça soleille. Ça fait les mecs qui frappent, ça repart le nez cassé, le bleu à l'oreille. Je vois pas ma vie en couleur, mes potes c'est tous des voleurs. Ma mère elle a des douleurs, tu connais, j'ai des douleurs. Y'a que des gens qui s'empêquent, qui parlent pour qui, qui s'emportent. Maintenant tu es quelqu'un sans pète, avec toi ton flingue tu l'emportes. Tu pètes les plombs, sans pète tu serres, tu capes pas tes portes. Je ferai pas le premier pas, même si je reconnais mes torts. Moi j'apprends, sans pitch ça braque en 4 ans. Un plan sous, tu es partant, ça veut te perquiser. Et toi t'attends, et toi t'attends, et toi t'attends. Ça veut te perquiser, et toi t'attends. Tu fumes n'importe quoi, tu fumes n'importe qui. Wesh mon pote, la vie c'est pas New Jack City. Tu cours sans réfléchir sur ta première cible. T'as trop vu les films, y'a pas d'invincible. J'écris la vie, c'est le bon sens. J'peux plus aller dans le bon sens. Les flics m'embarquent, ma mère m'a dit fils, trahis jamais ton sang. Les petits sont venus me voir, mon Didou nous met on veut s'armer. J'pense à mon pote Antol, j'crois que sa mère va jamais s'en remettre. Tu vas arrêter le shit, mon frère, reste à jeun, c'est sans remède. A chaque fois on est plein de problèmes, et on sait à qui s'en remettre. Comme des cons, on rame des bonzes, ça perquise, on fait des bons. On cherche l'or, nous pas le bronze. Pour bon, ils font que du con, t'as rendu con, tu blesses ton pote, t'es content. Moi le quartier je le contemple, j'aime quand j'y passe du bon temps. Fontaine, sert à rien de te cacher. J'suis fané, j'ai vu mon pote serré prendre des cachets. J'ai vu des potes trahir, gros je les appelle les tres puntos. Les clients ils font chauffer, viennent à ma caisse, ils veulent une dose. Vas-y passe, le bric et le béton, même si les fins, les flics ils jassent. J't'ai pris mais ça se passe pas sur TF1. Tu fumes n'importe quoi, tu fumes n'importe qui. Wesh mon pote, la vie c'est pas New Jack City. Tu cours sans réfléchir sur ta première cible. T'as trop vu les films, y'a pas d'invincible. Il est bizarre ce train de vie, l'argent nous fait cogiter. La la la la la. Et pour tout mon frère, à s'introduire. Il est bizarre ce train de vie, l'argent nous fait cogiter. La la la la la. Et pour tout mon frère, à s'introduire. Raconte pas tes légendes aux riches de ta life. Tu fumes n'importe quoi, tu fumes n'importe qui. Wesh mon pote, la vie c'est pas New Jack City. Tu cours sans réfléchir sur ta première cible. T'as trop vu les films, y'a pas d'invincible.